d'abord tes lèvres sur mes lèvres. Peu à peu, montée de fièvre. Ma langue se levant sur la tienne. Suffoquant à en perdre haleine. Mon amour, mon étoile, au frisson de ta peau, je te veux et dévoile tes seins de ton maillot. Et puis nos corps se frôlant. Degrés à la pointe de tes rondeurs, sous l'effet lancinant de ma langue à tes profondeurs. Mon amour, ma chérie, ton corps nu sur ce lit. Abandonné au plaisir de la chair, se coule sous un flou de lumière. Entr'ouvrant les portes de la vallée des merveilles, où je me glisse lentement. Mon amour, ma colombe, dans une longue éruption volcanique, je lâche l'ancre et succombe, m'évadant sur une mer